Vous écoutez Culte, le podcast culturel. Aujourd'hui, Bret Easton Ellis, l'écrivain emblématique, celui qu'on considère comme l'enfant terrible de la littérature américaine, autant adulé que contesté. Je vais vous raconter l'histoire de l'auteur du livre qui indigna l'Amérique. Né à Los Angeles, tout l'amène rapidement à une carrière littéraire. C'est à 20 ans, lors de ses cours d'écriture, qu'il imagine son premier roman, qui sera son premier coup d'éclat. Moins que zéro. Pour un premier livre, c'est sulfureux. Il dépeint la jeunesse américaine dorée. Une génération qui se fout de tout. Cette adolescence, privilégiée des années 80, qui se noie dans l'alcool, la drogue, la violence et le sexe. Et ce sont exactement tous les ingrédients qui feront son succès plus tard. Le livre cartonne dès sa sortie. Il attire l'attention des médias et est rapidement propulsé star littéraire. Certains le comparent déjà à Salinger et considèrent le sale gosse comme une voix de sa génération. Et c'est avec ce statut que l'écrivain, devenu mondain, publie son deuxième livre, Les lois de l'attraction. Un roman où chaque personnage raconte tour à tour sa version de l'histoire, quitte à laisser des pages blanches quand ils n'ont rien à dire. Un succès critique, mais des ventes plus décevantes. Mais c'est dans Les lois de l'attraction qu'apparaîtra pour la première fois Patrick Bateman, le personnage principal de son roman suivant, La bombe American Psycho. Installé depuis peu à New York, il commence, boosté à la coke, l'écriture du livre qui le rendra mondialement connu. Avec ce roman, il veut marquer la fin de sa trilogie sur les excès de la jeunesse américaine. Et malgré le succès des deux premiers livres, personne ne veut publier celui-ci. Il est refusé aux États-Unis et en France. La maison d'édition américaine, Simon & Schuster, qui avait publié ses deux premiers romans, lui avait pourtant offert 300 000 dollars d'avance. Mais en lisant la version finale, ils refusèrent, trouvant le texte trop brûlant. Ellis était déjà souvent menacé de mort, notamment par des militantes ultra-féministes, car il était considéré comme misogyne. Et pour faire monter le buzz, son nouvel éditeur laisse fuiter les passages les plus atroces du livre. Menace de mort, scandale. Dans American Psycho, on suit donc la métamorphose d'un trader de Wall Street, Patrick Bateman, en serial killer. Un serial killer en Dolce & Gabbana qui ne supporte personne. Les pauvres, les femmes, les homos, les étrangers. Dans ce roman ultra détaillé de 527 pages, tout s'entrechoque. La violence, la pornographie, l'humour noir. Bret Easton a déclaré s'identifier au personnage. Un personnage qui lui ressemble, qui représente son état d'esprit durant l'écriture du livre. Mais un mystère demeure. Patrick Bateman a-t-il exécuté toutes ses victimes? Ou est-ce seulement le fruit de son imagination? L'auteur n'a jamais tranché, et beaucoup de théories demeurent, chacun son avis. Sorti en 1991, c'est une bombe. Un chef-d'œuvre pour certains, le mal pour d'autres. Le livre intrigue autant qu'il divise, et c'est une vague d'indignation qui en feront une des œuvres les plus controversées du XXe siècle. Mais American Psycho s'est surtout vendu à plus d'1 million d'exemplaires aux USA, traduit dans le monde entier, et un carton pour son adaptation au cinéma avec Christian Bale. Un livre mythique. Comment définir le style de Bret Easton Ellis? Un name-dropping comme figure de style? Du sexe? de la violence, souvent les deux à la fois. Un style branché, minimaliste, avec peu de sensibilité. Il se déclare autant inspiré du cinéma, de la littérature, de la télévision que du rock. Mais il reste un auteur souvent mal compris, parfois confondu avec ses personnages, et quelquefois aimé pour de mauvaises raisons. Mais il ne s'arrête pas là. Et après la littérature, le cinéma. Il souhaitait premièrement adapter 50 nuances de Grey, pour faire selon lui d'un mauvais livre, un bon film. Mais cela n'aboutit pas. Et après quelques disputes avec des producteurs, il décide d'y aller en solo pour son premier film, The Canyons, un thriller qu'il écrit et coproduit. Il investit son propre argent et cède d'un financement participatif. Budget, $500,000. Côté acteur, c'est sulfureux. Lindsay Lohan et James Dean, un acteur pornographique. Et on retrouve évidemment tous les ingrédients habituels, vous commencez à connaître. Sexe, trahison et violence. Traduit dans le monde entier, Bret Easton Ellis est devenu l'un des écrivains les plus importants de son époque. Et une œuvre qui compte désormais dans la littérature contemporaine. Il représente une inspiration pour toute une génération d'auteurs. En France, par exemple, Houellebecq ou Jonathan Little. Pour Frédéric Becbédé, il est aujourd'hui des Bret Easton Ellis russes, espagnols ou danois. Et même si on ne l'attendait plus, 2019 marque son grand retour à l'écriture, avec la sortie de White, son premier livre de non-fiction où il dissèque le monde. Indignation en perspective. Culte.